Chapitre 86 Anti-fair play. Une semaine après avoir gagné son premier match à Marseille, l'équipe de France reçoit l'Italie à Lyon. La ville rhodanienne n'a plus l'habitude de voir du football. Avec la disparition de l'Olympique lyonnais et la création d'aucune franchise dans la capitale des Gaules, le football est de plus en plus rare. L'opportunité de pouvoir accueillir une rencontre du tournoi des Six Nations fut énorme. De plus, les Bleus ont une cote de popularité gigantesque. Tout le monde veut voir l'attaque Totov 76 Jijabal, et ce soir, ils vont devoir se défaire d'une équipe italienne assez maligne. Dans les autres rencontres, l'Allemagne a battu l'Espagne au tir au but et prend la tête du tournoi. La Mannschaft prive les Espagnols d'un éventuel grand chelem, une performance qui n'a pas encore eu lieu en 8 éditions. Dans l'autre match, le Royaume-Uni a battu la Belgique 5-1 à Bruxelles. Les Belges sont mal embarqués dans ce tournoi 2053 avec 2 défaites en autant de matchs. Pour rester dans la course, la France va devoir battre l'Italie. Pour cela, les Bleus pourront compter sur la grande forme des 2 attaquants français. Le match contre l'Italie va être plus compliqué que prévu. Après 10 minutes, l'arbitre a sifflé 7 fautes. Ces décisions sont assez contestables puisqu'après visionnage vidéo, aucune n'était justifiée. Au moindre contact, les Italiens se jettent au sol. Pire, quand un joueur s'approche un peu de leur portier, il simule une blessure. L'image fair-play des Français les suit et l'Italie va en jouer. Cependant, Totov 76 ne veut faire aucun cadeau aux adversaires du soir. Les Bleus jouent avec un absent de marque, son habituel gardien Bella. Salarié de la franchise indienne, de Puin Rossonero Calcio, il a été réquisitionné d'urgence au siège social pour une histoire de papier. Le domicile des Rossonero se trouve à Milan. Drôle de coïncidence, mais tout est permis pour intimider l'adversaire des Italiens. C'est la mi-temps et les Français ne savent pas comment gérer cet opposant assez difficile. Mais Jijabal a une idée. Puisque les Italiens veulent montrer à l'arbitre que les Français font des fautes, les Français feront des fautes. De retour sur le terrain, Jijabal devient une machine. Il fonce dans les Italiens à coups d'épaule. Ceux-ci se couchent, mais l'arbitre a également été rappelé à l'ordre suite aux simulations italiennes. Il ne siffle plus aussi facilement. Quand l'homme en noir a le dos tourné, Jijabal impressionne celui qui le prend au marquage en lui disant qu'il va vraiment le coucher. Effrayé, l'Italien refuse certains duels. Totov Hack essaye de faire la même chose. Il est beaucoup moins monstrueux, mais ça marche un petit peu. Le capitaine adresse ensuite un long centre. Jijabal s'élève seul, car son vis-à-vis italien reste les pieds collés au sol, troublé par la masse musculaire du français. Jijabal est donc seul en l'air et reprend le ballon de la tête, qui va directement dans les filets du gardien italien. Les Bleus mènent enfin au score devant cette équipe de tricheurs. Les Italiens ont des frayeurs à la vue de l'épouvantail Jijabal, et ça suffit aux Bleus pour empocher leur 2e victoire dans ce tournoi des Six Nations. Prochaine étape, la prochaine semaine à Madrid, pour y affronter le double tenant du titre espagnol. Dans le même temps, le co-leader allemand ira à Glasgow pour jouer contre le Royaume-Uni. Ça va être chaud pour cette 9e édition du tournoi des Six Nations. Il se pourrait même que ce soit la dernière. En 2055, nous verrons les premiers EA Games et le championnat d'Europe des Nations devrait revenir en 2057. Une occasion unique d'être le dernier vainqueur des Six Nations, et si un grand chelem venait à arriver, ce serait parfait. À la fin de la rencontre, Jijabal voit Benoît discuter avec ces 3 hommes bizarres. Le ton ne monte pas, mais Benoît n'a pas l'air très à l'aise. Chapitre 87 Chasser le naturel. Le lendemain, dans la rencontre contre l'Italie, Jijabal demande à Benoît qui étaient ces gens. Il répond que ce sont des vieilles connaissances rencontrées à Lyon il y a quelques années. Jijabal veut en savoir plus, mais Benoît se braque en lui disant qu'il est très mal placé pour interroger ses coéquipiers, lui, l'homme mystérieux barbu, est venu de nulle part. Le sujet est sensible pour Benoît. Feitzen n'insiste pas. Ils ont un match crucial à préparer face à un concurrent direct en Espagne. La machine tricolore est lancée, mais il ne faudrait pas flancher pour leur première rencontre à l'extérieur. Après le décrassage, Gichabal est intercepté par un homme d'affaires qui veut discuter avec lui. Il a une offre à lui faire. Une mauvaise passe pour du cash. Le deal est simple. Si Gichabal venait à faire, volontairement, une mauvaise passe durant le match et que ça entraîne un but du numéro 8 espagnol, il touchera 300 000 $ PF. Gichabal est choqué par cette offre, mais on lui répond qu'aujourd'hui aucun match n'est laissé au hasard. Toutes les petites boulettes, tous les scénarios miracles sont guidés par les bookmakers. Croit-il vraiment que le défenseur italien l'a laissé prendre le ballon de la tête juste par peur? Non, il avait été payé pour que les Bleus marquent un but dans une action de jeu aérien. Le football est un business et est devenu comme le catch. Le public pense que c'est réel, mais tout est dirigé par les paris sportifs. Gichabal ne veut pas céder à la tentation. Il fera son match normalement, sans l'appât du gain. Mais Faitson est retombé dans ses crises de paranoïa. Après les péripéties YNWA Reds, au contact de la pression et du haut niveau, il ne sait plus ce qui est réel ou faux. Il a peur de replonger dans ses crises de victimisation. Pour ne pas décevoir Totov 76, il ne veut pas lui en parler, mais pour lui, il n'y a aucun doute. Il a tout imaginé. Personne ne lui a proposé un deal avec de l'argent à la clé. Le match à Madrid arrive à grands pas et les Bleus sont prêts à obtenir leur troisième victoire et mettre la pression sur l'Allemagne, seule nation avec la France, en lice pour un éventuel grand chelem. Les autres rencontres ont déjà eu lieu et l'Italie a largement été battue à Rome par la Belgique, 4-0. L'Allemagne s'est défaite du Royaume-Uni avec une victoire 3-1 à Glasgow. Pour rester dans la course, la France doit absolument battre l'Espagne. La rencontre commence avec des premières offensives françaises. Le duo Totov 76-Gichabal marche plus que jamais. Ils font souffrir la défense espagnole. L'équipe adversaire n'est pas composée d'amateurs. La nation d'Iniesta a réussi à faire revenir ses internationaux qui évoluaient au Qatar. Ainsi, les joueurs qui n'avaient pas encore porté le maillot qatari et qui évoluaient au Real Flight Emiratas sont venus gonfler l'effectif de la Roja. Le club madrilène est redevenu le Real Madrid depuis la disparition de la Ligue qatari. En attendant d'être accueillis par un autre pays, ils évoluaient aux côtés d'autres clubs amateurs de la péninsule ibérique. Les Espagnols connaissent pourtant le haut niveau et le challenge va être difficile pour les Bleus. Chapitre 88. Tout bascule. Les Bleus sont archi-dominants, mais les attaquants peinent à conclure. Juste avant la mi-temps, Gichabal arrive à faire trembler les filets, mais il est signalé en position de hors-jeu. Totov 76 réprimande Benoît, qui est en dehors de son match. Gichabal se demande s'il n'est pas perturbé par ses amis de Lyon. L'arbitre siffle la mi-temps sur ce score nul et vierge. Tout est à refaire. L'équipe qui prendra l'avantage sera, en quelque sorte, le concurrent de la Mannschaft. À noter que le hasard du calendrier a voulu que la France et l'Allemagne s'affrontent hors de la dernière journée au Stade de France. La semaine prochaine, la France ira à Bruges pour jouer contre les Diables Rouges. Gichabal appréhende son retour en Belgique. Avant de penser aux deux dernières rencontres, il faut se concentrer sur Madrid. Si les Bleus venaient à s'incliner ce soir, ils pourront dire adieu au grand chelem. Ils pourront toujours tenter d'aller chercher le tournoi destination, mais ils ne seront pas les seuls à avoir fait le sans-faute durant cette compétition. Dans les vestiaires, Totov 76 discute très longuement avec Benoît. La conversation est houleuse et à l'abri des caméras, du moins c'est ce qu'on croit. Les réseaux sociaux sont déjà au courant de ce différend entre le Normand et le Limougeau. Certains parlent d'un excès d'autorité de Totov 76, d'autres d'un regret d'avoir fait revenir ce joueur devenu dépassé, et d'autres pensent que le clash est encore une fois un buzz. Suite à cela, personne ne sort, et les deux joueurs vont devoir cohabiter. Sur le terrain, ça se voit qu'il y a une certaine tension, et Benoît ne se contrôle pas. Suite à un coup d'épaule sur un Espagnol, L'arbitre lui donne un carton jaune. Nous jouons la 50e minute et l'Espagne va tirer un corner. À l'exception de Gichabal, tous les Français sont venus défendre. Le ballon part dans les airs et trouve la tête de Benoît qui dégage son camp. La tête, c'est ce qu'on croit au coup d'œil. L'arbitre est alerté d'une action litigieuse et consulte son assistant vidéo. Oui, il y avait faute. Benoît n'a pas touché le cuir de la tête, mais de la main. Double sanction pour les Bleus, puisque l'Espagne va bénéficier d'un pénalty et que Benoît va avoir son deuxième carton jaune, synonyme d'exclusion. C'est la douche froide. Benoît quitte le terrain, tête baissée, sans un regard envers ses coéquipiers. Il part chercher son sac et quitte directement le stade de Madrid. Les Bleus voient leur rêve de grand chelem s'envoler. Certes, le pénalty n'est pas encore tiré, certes, il reste 40 minutes, mais s'ils venaient à être menés et qu'ils devront continuer le match à 10, ce sera difficile pour eux. Il y a une discussion entre Bella, le portier, et son capitaine Totov 76. Ça parle stratégie, certains pensent même que le Normand veut prendre les gants du gardien Rossonero. Mais non, c'est bien Bella qui va défendre les cages françaises. Il va avoir l'occasion de devenir un héros dans l'histoire de l'équipe de France, dans la lignée des pour gagner 0-2, Eric Béhache, Feitzen et Totov 76. Allez, l'avenir des Bleus dans ce tournoi est dans les gants de Bella. Le joueur espagnol est prêt à tirer. La pression est monumentale. Chapitre 89. La lumière vient d'ailleurs. C'est monstrueux pour Bella. Il n'a jamais connu pareille situation en sélection. Il est habitué aux rencontres de haut niveau en Inde, avec notamment des derbies sous tension face au Malacca International ou des matchs de Ligue des champions d'Asie contre des géants japonais ou encore des Chinois. Mais ce soir, la pression est démesurée. L'Espagne a l'occasion de faire tomber le voisin français, le finaliste du Mondial 2050, l'équipe qui est allée sur Mars contre toute attente. Les Bleus sont devenus les hommes à abattre. Avec ce pénalty, l'Aurora peut prendre l'avantage et ensuite verrouiller sa défense. L'attaquant espagnol évoluant habituellement au Real Madrid s'élance et... Tétanisé, Bella ne bouge pas de sa ligne. Il ne plonge pas. Ah non, il a vu clair dans le jeu de l'espagnol. Celui-ci a tenté une panenka. Sans broncher, Bella bloque facilement le ballon. Il est félicité par ses coéquipiers et le match est relancé. L'attaquant espagnol est au sol, dégoûté d'avoir gâché cette chance. Sans plus attendre, il sortira au prochain arrêt de jeu. En Espagne, on ne plaisante pas avec les pénaltys. Le jeu se poursuit donc avec les Bleus qui vont tenter d'aller chercher cette victoire. Inévitablement, ils sont réduits à 10, mais Benoît avait été assez inutile durant le match. Ils étaient en quelque sorte déjà réduits à 10 en première période. Pour jouer offensif, les Français font sortir le milieu défensif romain et font entrer un joueur de couloir, le Chapeau. L'ancien Lyonnais joue actuellement chez les Ambrose Gunners. À l'époque de Feitzen, il avait même fait ses classes chez le King Club Uralkoli. Cette saison avec les Gunners, il a été élu meilleur passeur de l'India 4.7. Malheureusement, il est beaucoup moins décisif chez les Bleus, ce qui le cramponne au banc de touche. Ce soir, il a une carte à jouer. Surtout que la future suspension de Benoît pourrait lui offrir une place de titulaire. Il a un seul but, faire briller Totov 76 et Gichabal avec ses centres de tueur. Il réussit plutôt bien son entrée en jeu et apporte du dynamisme à la rencontre. Les défenseurs espagnols ont du mal à le suivre, mais ses deux attaquants également. Ses centres sont en général mal suivis par Totov 76 et Gichabal. Pourtant, on connaît la qualité du jeu de tête de Gichabal et les envolées artistiques de Totov 76. Ce soir, ça ne veut pas. Alors, le Chapeau veut prendre les choses en main. Au lieu de centrer, il va tenter ses centre-tirs. Mais il n'arrive pas à reproduire le but de Feitzen contre les Hernik Spurs, où son centre avait été tellement raté qu'il avait terminé dans la lucarne du portier anglais. Toutefois, la lumière viendra d'ailleurs. Le Chapeau fait un nouveau centre, que Gichabal s'apprête à reprendre, mais il voit une tête surgir devant lui. Venu de nulle part, Tot 511, le défenseur latéral gauche des Bleus, vient placer un coup de casque alors qu'il est à l'extérieur de la surface. Comme s'il avait envahi le terrain, Tots 511 vient s'incruster dans cette action et place son ballon sous la barre des Espagnols. Le but fait un peu penser au coup de tête de Basile Boli avec Marseille contre Paris en 1993. Alors qu'on attendait un éclair de génie de Totov 76, de Gichabal ou de Le Chapeau, c'est le très discret Tots 511 qui vient offrir ce but crucial à l'équipe de France. L'ancien joueur de l'ex-Suisse Bianconeri évolue désormais au Paris FL Club et a su se montrer au bon moment. Les Bleus remportent ce match 1-0 et poursuit sa route vers le Grand Chelem poilu. Prochaine étape à Bruxelles contre l'équipe nationale belge. Chapitre 70, la marionnette. Malgré la fête après cette jolie victoire, Totov 76 n'a qu'une chose en tête, rencontrer Benoît pour savoir ce qui lui passe par la tête. Brouillon depuis le début du tournoi, agressif et surtout expulsé contre l'Espagne, il ne sait pas ce qu'il se passe dans le crâne du nouveau joueur de l'Olympique. Totov Hack est une sorte de grand frère pour les joueurs français. Même s'il n'a pas connu le Mondial 2050 et l'aventure sur Mars, il est très écouté par ses coéquipiers. Il arrive à toujours trouver les mots justes pour discuter avec ses amis. C'est le capitaine idéal. Cependant, concernant le cas Benoît, il ne sait pas trop quoi en penser. Gichabal indique à Totov 76 qu'il a vu Benoît discuter avec des gens bizarres après le match contre l'Italie. Il ne sait pas s'il y a un rapport, mais il souhaitait lui dire. Totov est sur une piste. Benoît est reparti se ressourcer à Limoges, car pour lui, le tournoi est terminé. Il sera suspendu contre la Belgique et ne souhaite pas venir au Stade de France pour le dernier match. Son capitaine décide de donner rendez-vous à Benoît dans un café non loin de Limoges. Le verre est accepté. Arrivés sur place, les deux hommes se serrent la main. Benoît baisse les yeux et parle très peu. Totov 76 ne veut qu'une chose, comprendre ce qu'il se passe. Le principal intéressé reste muet. Il ne veut pas parler, ou plutôt, il ne peut pas parler. Lorsqu'on parle des gens bizarres, Benoît éclate en sanglots. Mais pourquoi ? Benoît va tout dire à Totov 76, et ça va changer la relation entre les deux nouveaux amis. Les personnes avec qui il parlait sont des bookmakers, les mêmes qui ont essayé de prendre contact avec Fightson. Ils suivent Benoît depuis presque 3 ans. Son match médiocre contre la Russie au Mondial, il avait été prémédité par ces personnes. Pire, pendant la finale sur Mars, il devait saboter cette rencontre. Placé sur le banc, les bookmakers ont tout fait pour truquer les votes et le faire entrer en jeu. Il avait été payé pour que la Chine marque dans le premier quart d'heure. Alors, sa boulette en finale, son centre raté, tout avait été calculé pour ramasser un petit pactole. Il a ensuite décidé de se retirer de la vie professionnelle. Malgré ça, les bookmakers continuaient de le suivre dans le monde amateur. Son club à Limoges falsifiait ses rencontres dans la Ligue Centre pour amasser de l'argent. Puis quand ils ont su qu'ils participaient au tournoi Destination, l'occasion était trop bonne pour eux. Ils savaient qu'ils visaient le Grand Chelem, que beaucoup de personnes y croyaient, alors ils lui ont demandé de gâcher leur chance. Après le match contre l'Italie, ils lui ont dit que cela ne devait pas se passer comme cela, qu'un Italien devait laisser Gichabal marquer, certes, mais il devait y avoir une égalisation derrière. Et là, contre l'Espagne, il devait faire marquer les Espagnols avant l'heure de jeu. Benoît a tout raté, sa carrière, son match et ses paris. Il ne veut plus vivre dans ce monde du football manipulé par les bookmakers. Selon les dires de ces parieurs fous, il y a des espions dans plus de la moitié des équipes franchisées. Dernier fait d'armes, la victoire du Racing Club de Lens contre l'Étoile Lilloise. 3 joueurs de la franchise de Danine étaient payés pour faire gagner l'équipe de Gichabal. En 2050, les curieuses défaites de l'Exur Bianconeri et du Bayern Komindor, pour mettre 4 équipes en tête de la Japan Masters League, avaient été demandées par cet organisme de parieurs. Benoît ne souhaite plus participer à ce tournoi Destination et ne veut plus revenir au haut niveau.